Et dis à moi j'arrive sans Range Rover. Appelle-moi Prax, Danny Glover. L'arme fatale, je l'ai pas caché dans le fond de mon large futal. Mais couplet, mec, vite, F. Mon rap à putain de prototype, F. Athée son osique, bref. Tu m'attendais pas comme le Tortissa sous le Midwest. Si tu te demandais où est le rap, regarde vite l'Est. Qui stresse, ceux qui sentent qu'on vient manger leur business. Un son fait pour les sports, contact, pas le fitness. La tension est haute, la pression est forte. Le beat rond comme un V12, de fou dans les cordes. Ici c'est le Mac Dice du rap, Air Force, Durag. J'ai la mine d'un mec qui s'est pris 15 piges du lac. Maintenant tu sais qu'elle est aussi au kick sec. Je fais pas des vaguelettes, un putain de tsunami sur mixtape. Prax, Majesty est dead, wanted. Théo DJ sur la prod, c'est dead. Fuck, j'en place une sur haute tension. Pour tous mes proches et mes ennemis. Dead fuck, pour mes gars, mes commetteurs. Retiens bien mec, c'est Majesty. PRAGZ, les Majesty. On vient pas foutre le sourcil. Et sans, et surtout sans sourcil. Fuck, des mecs qui jacquent, des vrais, des wacks. Préparez-vous, c'est du lourd. Ouais, ouais. J'introduis mon style. Langoureux mais subtil, j'exporte ma voix là où tout le monde m'entendra. J'ai tant à dire, c'est pour nos refrains qu'on transpire. Pour ceux qui me montrent du doigt, pour les fous, les faux, les fausses voix. C'est Dead Prax, c'est Majesty. Toi-même tu sais qu'on s'investit pour nos refrains, pour nos bandits et pour ceux qui nous ont salis. C'est Dead Prax, c'est Majesty. PRAGZ, les Majesty. On vient pas foutre le sourcil. Et sans, et surtout sans sourcil. Fuck, fuck. Des mecs qui jacquent, des vrais, des wack. Gang, c'est tout lourd. Pour mon label, mes poumons en vent de belle. Ils sont à la pelle, de façon habile et rebelle. Dans ma tête, elle est motance. Ma langue, les balances. Trois bêtes de légende s'élancent. Elle vous arrive en absence. Donc j'ambiance pour le nombre qui s'avance. Et que ses envidences soient ravis de mon non-silence. Celui qui fonce l'air de l'air clair enfoncé. Tous les fonces des R et ne font que s'enfoncer. Car la vie part en couille, elle sévit et embrouille. Par là, le disque gravite dans nos envies se doux. Je sais que tu m'attends, à ton effet entend. Mon ton kiffé, en bon son s'étend. Tant d'temps j'étais dans l'ombre, maintenant dedans en ombre. De provenant de sombre, compte venant de mon monde. Ici non de blême, s'abonde sous mon emblème. Un éver contre la haine, le sous-malmène et le mal amène. J'en place une sur haute tension. Pour tous mes proches et mes ennemis. Dead fuck, pour mes gars, mes commetteurs. Retiens bien mec, c'est Majesty. PRAGZ, les Majesty. On vient pas foutre le sourcil. Et sans, et surtout sans sourcil. Fuck, des mecs qui jacquent, des vrais, des wacks. Préparez-vous, c'est du lourd.